Les hommes aux semelles devant. Une émission d'Odémilie Judaïque. Aujourd'hui, les Huguenots et l'Atlantique. Juillet 1570, quelque part au large des Canaries. Le Santiago, un navire espagnol en route vers le Brésil, est attaqué par des pirates. À leur tête, le célèbre capitaine Jacques de Sors, protestant d'origine normande, surnommé l'ange exterminateur. Alors que la troisième guerre de religion bat son plein, il sert comme corsaire de Dieu. Aussi, quand ce bateau tombe dans ses filets et qu'il y découvre 40 missionnaires jésuites, le capitaine ordonne qu'on jette par-dessus bord les icônes, les livres saints, mais surtout les jésuites eux-mêmes, après avoir pris soin de leur couper un bras pour prolonger leur martyre. Cet épisode sanglant marquera pour longtemps l'esprit des catholiques, qui verront les protestants comme des barbares sanguinaires. Mais une pièce a toujours deux faces, et ailleurs, en particulier dans les colonies protestantes d'Amérique et d'Afrique du Sud, on voue au contraire un véritable culte aux pionniers huguenots. Aujourd'hui, l'historien Michaël Augeron dénoue le vrai du faux dans la légende des Huguenots partis à l'assaut de l'Atlantique. Dans la brise humide et froide du petit matin, le voilier se détacha lentement du quai, où, au milieu d'un amoncellement de ballots de sucre et de tabac, s'affairaient quelques hommes à la lueur pâle des lanternes. Le mât de misaine craqua comme une vieille poutre lorsque ses voiles, gonflées, firent tourner le navire sur sa quille. Il s'engagea doucement, glissant sans bruit sur les eaux calmes du port, entre les deux tours qui en défendaient l'accès. Puis, face au large, les voiles s'orientèrent dans un grand claquement de toile. Du pont, je l'aperçus bientôt plus de La Rochelle que son éperon rocheux surmonté par la flèche octogonale de la tour de la lanterne qui, longtemps, nous servit de phare. Quand on cartographie la présence protestante dans le royaume de France au XVIe siècle, on s'aperçoit qu'il y a de nombreuses et fortes communautés sur le plan numérique. En gros, dans une zone qui va de La Rochelle au Vivarais, donc formant un véritable croissant, d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle ce croissant le croissant fertile huguenot, sur le littoral atlantique et notamment dans les anciennes provinces de Nice et de Saintonge, on s'aperçoit que les liens à la mer, que les importants taux d'alphabétisation, notamment du monde des gens de mer, du monde des armateurs, du monde des marchands, explique la diffusion rapide de ces idéaux réformés par l'accès à la lecture, bien sûr, mais aussi par des liens forts avec l'Europe protestante, l'Angleterre, les futurs Pays-Bas. Mais on s'aperçoit également que d'autres facteurs vont jouer ici ou là. On a par exemple tout un ensemble d'archives de cette période qui nous montrent que les mariages sont aussi l'occasion de se convertir pour épouser un ou une réformée. On s'aperçoit également qu'ici ou là, nombre d'individus se laissent séduire par les prêches enflammées de pasteurs et d'autres prédicateurs itinérants, y compris parfois d'ailleurs qui viennent de loin, comme de la Suisse. Et puis on a également dans d'autres endroits, comme par exemple à bord des bateaux eux-mêmes, des individus qui se laissent séduire par les discours, par les positions fermes et argumentées des réformés. Le bateau est un environnement particulièrement propice aux conversions. On s'aperçoit qu'au fil des semaines, au fil des mois, les marins débattent très souvent des choses, comme ils disent, de la religion. Alors, on n'a pas là un discours théologique de très grand niveau, hein, mais l'argumentaire des protestants, en général, arrive toujours à convertir les catholiques, y compris d'ailleurs souvent les plus récalcitrants. Un argumentaire qui critique justement l'Église catholique, qui dénonce les abus de cette même Église. On s'en prend à la personne du pape, qu'on accuse d'être un feignant, de s'enrichir sur le dos de ses ouailles. On accuse tous ces prêtres de paroisse qui ne remplissent pas leur rôle, hein, et qui justement vivent sur le dos des paroissiens. On critique les indulgences. En fait, tout un ensemble d'éléments, hein, qui relèvent du quotidien de chaque fidèle et justement qui constituent par-delà autant d'arguments, hein, pour dénoncer les maux qui caractérisent, pense-t-on, du côté huguenot, l'Église catholique. Et puis, surtout, on considère, et c'est ce que l'on dit à ceux qu'on entend convertir, que pourquoi est-ce qu'il y aurait seulement les religieux qui auraient accès aux textes bibliques, hein, raison pour laquelle, d'ailleurs, ces réformés français font tout pour traduire la Bible en langue française, afin que le message divin, justement, puisse s'y disséminer auprès du plus grand nombre. Et quand on regarde ce qui se passe à bord, on s'aperçoit que systématiquement, les protestants emmènent des livres. La Bible, bien sûr, dans son intégralité parfois, mais le plus souvent, ce qu'on pourrait appeler des abécédaires, qui comporte ce qu'il faut savoir, en fait, quand on est protestant ou qu'on veut devenir protestant, avec justement les bases, hein, de l'Église réformée. N'oublions pas que quand on part vers les Amériques, c'est souvent un voyage qui dure au minimum 6 mois, très souvent près d'un an, voire 18 mois au total. Et donc le fait aussi de s'engager dans la nouvelle religion, c'est avoir un autre rapport justement au monde, un autre rapport au Dieu, un rapport sans intercesseur, hein, qui est l'Église catholique et ses représentants, bien évidemment. C'est justement être convaincu que par des prières collectives, par ce rapport personnel et direct à Dieu, mais qu'on va obtenir une protection divine, hein, celle justement qui doit vous protéger au quotidien, répondre sur mer à vos attentes et vous prémunir de tout péril. Et d'ailleurs, on peut observer que quand les équipages sont mixtes sur le plan confessionnel au départ, on s'aperçoit que très très très souvent, ce sont les catholiques qui se convertissent, donc au fil des semaines, au fil des mois. Et justement, avec pour eux une promesse intérieure, c'est celle de « si je reviens justement à bon port, c'est parce que la foi, la nouvelle religion, ce rapport direct que j'entretiens désormais à Dieu, m'a apporté toute sa protection et évité justement que je ne périsse en mer. » Toute voile déployée, le Saint-Dimanche voguait à présent vers les Indes occidentales. Je regardais avec envie les matelots qui dirigeaient suivant le vent les vergues et les voiles, halaient un cordage, grimpaient comme des écureuils dans les haubans. Si bien qu'un gabier me remarqua et me cria par provocation. Hé, compère, si tu veux nous donner un coup de main, le travail ne manque pas. Le temps te paraîtra moins long. Et puis, si un jour tu deviens flibustier dans l'île de la Tortue, ça peut te servir à quelque chose d'avoir navigué. La flibuste. On en parlait parfois au pays d'Olonne, de ces coureurs des mers qui, sur des canots pas plus gros que des mouilles-culs, s'attaquaient à des galions espagnols chargés d'or qu'ils réussissaient à prendre. Libres comme l'air, riches comme Crésus, sans foi ni loi, sans dieu ni roi, les flibustiers faisaient rêver plus d'un mousse sur les morutiers des sables. Soyez pour ce combat, compagnons. Il nous faudra cracher notre rage, affronter l'ennemi et la mort. Livrez votre queue à l'emportage et nous emparer. Sur mer, pendant la guerre de religion, on observe très souvent un déplacement des conflits, en fait, hein, sur les eaux. L'océan Atlantique, avec la Manche, deviennent autant de théâtres d'opérations, hein, sur le plan militaire. Tout en sachant qu'à partir de 1562-63, le pouvoir huguenot va encourager une véritable course protestante, hein, avec la volonté, à partir de la troisième guerre de religion, à partir de septembre 1568 pour être plus précis, de délivrer de véritables lettres de course. En gros, on va transformer de simples marins, souvent des marins de pêche, des marins au commerce, comme en autant de corsaires, hein, qui vont devoir lutter pour la défense de la vraie religion, comme on dit dans ces lettres de marque. Lutter pour Dieu, bien sûr, mais lutter aussi pour la cause protestante, pour le parti protestant. Hein. Et donc, en gros, ces marins vont avoir l'autorisation tout à fait légale, eh bien, de courir sur à l'ennemi, comme on disait à l'époque, hein, c'est-à-dire de s'en prendre à tous les catholiques sur mer qu'ils rencontreront, donc de pouvoir faire du butin en toute légalité. Alors, en contrepartie de cette autorisation légale de courir sus aux catholiques, eh bien, nos corsaires, pendant la guerre de religion, vont devoir verser à la cause une partie de leur butin. Donc, selon les cas, entre 20 et 30% des cargaisons qu'ils vont prendre sur l'ennemi. Et cet argent va avoir un rôle essentiel. Il va non seulement être utilisé pour renforcer les fortifications de certaines villes, à commencer par La Rochelle, qui va devenir le port d'attache principal de cette course huguenote, mais cet argent va également servir à recruter des mercenaires, notamment les fameux reîtres allemands, va servir à acquérir du matériel de guerre, des armes à feu, notamment. Et donc, en gros, cet argent tiré sur les mers va contribuer très largement à l'effort de guerre huguenot sur terre. Dès lors, je m'appliquais à me rendre utile et je participais à toutes les manœuvres. J'appris les mots, les tournures, les expressions, comme une autre langue. J'appris à faire le nœud en jambe de chien, le nœud de gueule de raie et le nœud de bec d'oiseau, de gueule de loup, de cul de porc. J'en arrivais à penser que tous ces matelots s'amusaient de moi, inventant toujours de nouveaux mots et de nouveaux nœuds. Houspillé, commandé à tort et à travers, je subissais cette épreuve librement choisie sans rechigner. Car il s'agissait maintenant de capter dans les voiles les alizés du nord-est qui allaient porter le bateau vers les Antilles. Les individus qui franchissent l'Atlantique ne partent pas pour colporter leur foi. Hein. Ils partent avant tout pour affaires. Ils partent pour gagner de l'argent. Hein. On peut le comprendre aisément. Que partent-ils faire? Bien, certains partent pêcher la morue à Terre-Neuve. D'autres vont trafiquer avec le reste de l'Europe ou avec les colonies ibériques qui s'affirment tout au long du XVIe siècle. Et d'ailleurs, à ce titre, on peut observer que les affaires ne connaissent pas forcément les réseaux confessionnels parce que nos huguenots, quittant les ports de France, sont en général fort bien accueillis par les colons portugais au Brésil ou à Madère, ou les colons espagnols donc du Mexique, des Antilles, voire des Canaries également. Hein. Donc on a là donc deux communautés catholiques et protestantes qui se retrouvent autour de la nécessité d'échanger et par-delà de gagner de l'argent. Hein. Ça va de soi. Quand on regarde l'histoire maritime et coloniale française, on s'aperçoit que les Huguenots sont surreprésentés, hein, justement, dans cette histoire, par leurs initiatives, par les groupes sociaux qui sont partie prenante de cette histoire. Je pense aux marins, je pense aux marchands, je pense aux armateurs bien présents sur le littoral français, en Onis-Saintonge particulièrement, en Normandie, mais aussi dans quelques points comme le Croisic, par exemple. Il est difficile de dire pourquoi ils sont surreprésentés dans cette expansion maritime et coloniale française. On ne peut que s'en tenir à certaines observations. À plusieurs reprises au XVIe siècle, on observe que des milieux d'affaires huguenots ou que des individus entendent s'implanter en Amérique. Certains, d'ailleurs, de manière très officielle, on peut penser par exemple à Robert Val, hein, qui a pour objet de s'implanter dans la ville de Saint-Laurent en 1541. Mais on peut également évoquer le marchand, par exemple, Pierre Chauvin, hein, ce Normand qui s'installe à Tadoussac pour mettre la main, en gros, sur le trafic des poses de fourrure de la région, mais aussi éventuellement pour le transport transformer ce site en lieu de fonte de graisse de baleines, comme d'ailleurs on peut observer dans d'autres endroits, comme l'île aux Basques par exemple. Mais on a également des expéditions qui sont orchestrées par le pouvoir politique au plus haut niveau. Évoquons par exemple ces expéditions qui ont lieu entre 1562 et 1565, sous à la fois la bénédiction de la couronne de France, mais sous l'impulsion de l'amiral de Coligny, donc ce chef du parti huguenot, et justement des expéditions qui voient les Français essayer de s'implanter en Floride, donc dans l'actuelle Caroline du Sud. Des expéditions qui sont majoritairement composées de marins et de soldats huguenots, très majoritairement, peut-être 85%, des quelques 800 Français qui se sont rendus sur place. Mais malheureusement, des expéditions qui ont été mises à mal par les Espagnols, les Espagnols qui, depuis la ville de San Agustín, qu'ils viennent de créer en 1565, organisent une expédition punitive pour éradiquer, nous disent-ils, ce nid d'hérétiques. Un jour, le gabier me dit « Petit, il y a trois sortes d'hommes. » Ceux qui vivent à terre, les âmes errantes des morts, et ceux qui vivent sur l'eau. Nous sommes des vivants déjà détachés de la terre, voguant au gré des flots et des vents comme les nacelles des âmes mortes. Notre destinée ne tient que dans ces bouts de cordage que tu commences à savoir manier. Les terriens, eux, ce sont des esclaves. La mer récompense les braves, les indociles, les hommes libres. Qu'as-tu fui, toi, pour venir jusqu'à nous ? « Serais-tu huguenot ?» Je tressaillis, répondis avec précipitation. « Non, pas huguenot. » Le gabier haussa les épaules. « Y a pas de mal, mon gars, n'aie pas peur. Nous, sur la mer, on ne demande pas aux gens de quelle religion ils sont. On est tous des matelots, un point c'est tout. Alors, reprit le gabier, si t'es pas religionnaire, tu dois être d'une famille de faux sauniers. » Je murmurai. « Faux saunier, vrai saunier. » Qui distingue l'un et l'autre dans nos pays d'Olonne ? Nous sommes des hommes du sel comme vous êtes des hommes de l'eau. Bien dit, compère. Et l'eau et le sel, c'est le sang de notre océan. Voilà qui nous rapproche. Parmi les capitaines de mer huguenots, il y en a un qui se distingue, c'est le fameux Jacques de Sors. Ce personnage s'engage comme lieutenant au début des années 1550 d'un pirate corsaire très célèbre qui s'appelait Jambe de Bois. Il fait ses premières armes à ses côtés, monte en grade et parvient lui-même à monter sa propre expédition en 1555. Et lors de cette expédition, il parvient à prendre la ville de La Havane. C'est la première fois que des étrangers s'emparent de cette ville espagnole aux Antilles. C'est un véritable coup de théâtre dans le monde espagnol, bien sûr, parce que ce coup de théâtre va montrer la faiblesse du dispositif défensif espagnol dans le Nouveau Monde. Mais dans le Royaume de France même, ce Jacques de Sors va vite passer pour un héros. Alors n'oublions pas qu'on est dans une période de guerre franco-espagnole, bien entendu. Et donc c'est avant tout un chef de guerre qui est mis en avant. Mais c'est celui aussi qui va revenir à quai avec un immense butin. Et qui va bien faire des émules et inciter bon nombre d'individus à prendre la mer pour s'en prendre aux intérêts portugais espagnols sur les mers et dans les colonies. Et son nom est connu partout dans le monde atlantique, de l'Espagne au Portugal, mais aussi du Portugal au Brésil, du Brésil au Mexique. Donc c'est vraiment un personnage qui a semé la terreur sur les mers. Jacques de Sors jouit dans le monde ibérique catholique d'une image de fanatique. Cette image de fanatique, elle est en grande partie liée à un événement qui survient en juillet 1570 et qui voit Jacques de Sors ordonner à ses équipages de massacrer 40 jésuites, aux Canaries. Et de là, l'historiographie catholique, et notamment jésuite, s'est emparée de cet événement pour faire de ce Jacques de Sors le symbole même de l'hérésie et par-delà de la cruauté pratiquée par les hérétiques. Il n'est pas rare, par exemple, quand ils attaquent une ville espagnole ou portugaise en Amérique, qu'ils saccagent les églises et autres chapelles catholiques, qu'ils dévassent les monastères, qu'ils détruisent les objets sacrés du culte catholique, qu'ils malmènent quand ils n'exécutent pas des prêtres ou des moines donc sur place. Et tout cela contribue donc à forger cette fameuse image de fanatique qu'on évoquait tout à l'heure avec Jacques de Sors. Dans les faits, les archives nous montrent une autre image du personnage, beaucoup plus nuancée. Mais n'empêche que cette historiographie catholique a dominé jusqu'au cœur du XXe siècle. What world become of people now. Try to build a life somehow. Hard, hard times are back again. No more fish, no fisherman. Après la rééducation des villes nantes, mais le phénomène est déjà perceptible dès le début du XVIIe siècle, eh bien on observe que tout un ensemble d'individus, parfois quelques familles, essaient de s'implanter dans les colonies anglaises naissantes. On peut estimer qu'après la révocation des lignes nantes, ce sont peut-être de 3500 à 4000 Français qui se sont établis dans les fameuses 13 colonies anglaises, hein, donc d'Amérique du Nord. Pour l'essentiel, ce sont des individus qui sont partis d'Angleterre, mais aussi parfois des Pays-Bas, après de longues années de séjour sur place. Donc, en fait, ce ne sont pas forcément des réfugiés, ce sont plutôt des migrants, hein, qui partent tenter l'aventure dans ce nouveau monde, hein, pour lequel on leur promet des terres vierges, par-delà un enrichissement plus ou moins facile, hein, par l'artisanat et surtout par le développement d'un système de plantation. Aux côtés de ces migrants, on a pu observer la présence de quelques réfugiés venant pour l'essentiel des Antilles françaises, hein, qu'ils ont quittées donc après la révocation en 1685-1687. Hein. Donc en gros, en quelques mois, deux ans tout au plus, ce sont des gens qui ont quitté les Antilles pour se réfugier en Amérique du Nord. Mais ils ne représentent tout au plus que quelques dizaines d'individus probablement. Je débarquais finalement à Saint-Domingue. Après deux mois de traversée, il me semblait que la terre ferme, elle-même, tanguait. Habitué à l'air vif, je sentais un malaise m'oppresser. Mais cette chaleur tiède, ces odeurs poivrées, ce ciel bleu sans nuages, la végétation luxuriante de palmiers, de cocotiers, de bananiers, ces énormes palmes des arbres d'un vert cru, tout me disait que je me rapprochais de cette terre des délices du cœur que m'avaient vanté tant de pêcheurs des Sables d'Olonne. Parmi ces huguenots là qui s'installent dans les colonies anglaises ou néerlandaises de l'Amérique du Nord ou même d'Afrique du Sud, hein, on s'aperçoit que la plupart d'entre eux partent des ports anglais ou des ports des Pays-Bas. Souvent, ils se laissent séduire par une véritable propagande coloniale, hein, qui leur promet, dirait-on aujourd'hui, monts et merveilles, hein, dans ces colonies naissantes et donc en voie d'expansion. On leur promet donc une intégration facile, y compris une naturalisation à moindre coût. On leur promet une existence merveilleuse dans des territoires que l'on présente surtout pas comme hostiles. Mais n'empêche que pour la plupart d'entre eux, ils vont s'intégrer rapidement en communauté d'accueil. Voilà. Et d'ailleurs, il est tout à fait significatif que les endroits où ces communautés résistent le mieux, hein, sur le plan identitaire, y compris linguistique, ce sont les endroits où elles sont les plus nombreuses. Hein. Je pense par exemple à la ville de New Rochelle, hein, fondée par des Rochelais, à la fin du XVIIe siècle, en 1188. Je pense également à la ville de New Paltz, hein, également comme New Rochelle dans l'État de New York. Je pense également à la première nouvelle Oxford, hein, New Oxford, fondée également par des Huguenots. En fait, voilà, on a quelques expériences qui montrent que quand les gens se retrouvent nombreux dans un endroit, ils maintiennent plus longtemps leurs caractéristiques communautaires initiales. Mais globalement, eh bien, ces Huguenots vont se fondre, hein, dans la masse des colons. Pour l'Afrique du Sud, ce sont à peu près 280 personnes qui s'installent dans la colonie du Cap, hein, c'est comme ça qu'on appelait la colonie néerlandaise, à partir de 1188, les derniers arrivant en gros dans les années 1710 en Afrique du Sud. Hein. 280 personnes qui vont très vite s'insérer dans la société néerlandaise, hein, qui vont épouser souvent des néerlandaises et qui, au bout de deux ou trois générations, selon les familles, vont perdre l'usage de la langue française. Tous les bateaux de Nantes apportaient de nouveaux immigrants. Des magasins ouvraient, à l'initiative des Juifs de Hollande, expulsés du Brésil par les colons portugais. Les étals regorgeaient de poissons, de tortues, de lamantins, de crustacés. Ainsi, ai-je trouvé le passage vers cette terre des délices du cœur, mon jardin d'Éden. On a à partir surtout de la deuxième moitié du XIXe siècle un courant historiographique d'essence protestante qui tend justement enjolivé nombre de ces figures protestantes qui se sont implantées en Amérique. En fait, on a voulu voir dans ces huguenots installés en Amérique dès la première moitié du XVIIe siècle autant de figures mythiques qui sont aux sources de ces nouvelles nations que sont les États-Unis ou d'autres territoires. On en a fait des pionniers, des pères fondateurs, des gens justement qui étaient là pour porter les futures valeurs américaines, notamment. On a fait de ces individus ceux qui auraient pratiqué les premières prières protestantes sur le continent américain. Donc tout un symbole pour nos amis nord-américains. Et puis, tout un marketing qui se met en place. Par exemple, si vous allez à New Paltz, vous pouvez acheter des t-shirts avec indiqué en anglais « Je suis un descendant ». Où vous avez aussi des mugs et autres vêtements avec le slogan « I'm Huguenot », hein, « Je suis un Huguenot » ou « Je suis Huguenot » pour bien montrer justement qu'on est un descendant de ces migrants qui ont contribué à la formation, à la création même de la nation américaine. Donc avec tout ce que l'on peut lire en termes de fierté et de revendication identitaire derrière. On peut également observer que l'histoire huguenote a été instrumentalisée à des fins politiques idéologiques. On peut prendre deux exemples. Aux États-Unis, le Ku Klux Klan s'est emparé de l'histoire huguenote pour justifier donc son rejet de l'autre, et notamment de la communauté afro-américaine. En Afrique du Sud, même, les tenants de l'apartheid, donc ces mouvements africaneurs, ont repris l'image du huguenot pour montrer que ce sont eux qui ont contribué aux côtés néerlandais à fonder la nation sud-africaine, qu'ils ont été les premiers à valoriser les territoires africains que les Africains eux-mêmes n'avaient pas su valoriser, supposément, ces discours que l'on tient jusqu'ici. On a justifié la part en disant que ces huguenots, ces pères fondateurs de l'Afrique du Sud, avaient pratiqué une véritable endogamie sociale et ethnique, refusant toute alliance donc avec le monde africain environnant, en disant que ce sont les descendants de Cham, et donc c'est la fameuse race maudite, par Noé lui-même, l'un des fils de Noé, maudit par le père. Vous voyez, donc, et qui va justement justifier cette mise à l'écart durable du monde noir au sein de la société d'Afrique du Sud jusqu'en 1992-94, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'apartheid elle-même. Et il est évident qu'aujourd'hui, on a une autre lecture justement de cette histoire huguenote. Aujourd'hui, on relit cette histoire plutôt dans le sens de l'ouverture, de l'interculturalité, de l'échange, et non plus du rejet comme on l'a fait durant des décennies. Les écrits sur les huguenots peuvent permettre justement de réconcilier non pas l'histoire avec elle-même, mais des histoires avec elle-même. Et si on prend le cas de l'Afrique du Sud, actuellement, les historiens vont plutôt dans une fusion des histoires qui étaient jusqu'ici communautarisées, pour faire une véritable histoire nationale. Je me revois scrutant l'horizon sur la jetée des Sables d'Olonne, rêvant à cette terre des délices du cœur que l'on disait se situer de l'autre côté de l'océan. Revenir en France ne m'est jamais venu à l'idée. Lorsqu'on a fui la misère et l'injustice, on ne cesse de courir pour qu'elle ne vous rattrape pas. Oh, we'd be all right if the wind was in our sails. Oh, we'd be all right if the wind was in our sails. Oh, we'd be all right if the wind was in our sails. And we'll all hang on behind. And we'll roll the old chariot along. We'll roll the old chariot along. Merci à Michaël Augeron, maître de conférences en histoire moderne et contemporaine à l'Université de La Rochelle et co-directeur d'un ouvrage collectif richement illustré sur les Huguenots et l'Atlantique, édité aux Indes Savantes en deux volumes, parus respectivement en 2009 et 2012. Merci également à Mohamed Rouabi pour ses lectures librement adaptées du roman de Michel Ragon intitulé « Le marin des sables », paru chez Albin Michel en 1988. Les Hommes aux semelles de vent, une émission d'Odémilie Judaïque, aujourd'hui préparée par Julie Briand et Flora Isidore, et réalisée par Charlotte Roux et Anne-Laure Chanel. À la technique, il y avait Alain Joubert et Pierre Mine. La semaine prochaine, nous resterons en Amérique pour évoquer la fondation de la Nouvelle-France. D'ici là, bonne fin de week-end sur France Culture. another festival wouldn't do us any harm. Oh, another festival wouldn't do us any harm.